France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Comment l'imagination fonctionne-t-elle? C'est notre série de cette semaine. Après avoir évoqué la fantasia des Grecs anciens, nous rejoignons les modernes et d'abord le XVIIe siècle français. Deuxième épisode, indispensable mais dangereuse, point d'interrogation, l'imagination selon Descartes et Malebranche. Comme le dit Denis Cambouchner dans son récent ouvrage intitulé « La question des cartes », Descartes exige un art de la lecture. Il faut, je le cite, « déplier les données des problèmes avec la précision requise, puis apporter à la reconstruction des vues de Descartes les précautions indispensables ». Ce que dit Descartes de l'imagination ne fait pas exception à cette exigence de précaution soulignée par Denis Cambouchner. Car pour le père du rationalisme français, l'imagination n'est pas sans danger. Et pourtant, nous ne pouvons pas nous en passer pour comprendre et pour concevoir. Malebranche, disciple et continuateur de Descartes, permet de souligner encore mieux toutes ces arêtes. Car de l'imagination, Malebranche avait une peur bleue, mais sans pouvoir nier son utilité, voire son caractère indispensable. Bonjour Marie-Frédérique Pellegrin. Bonjour Géraldine Mühlmann. Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'Université Lyon 3, spécialiste de philosophie moderne et notamment de Descartes et Malebranche. Je citerai notamment votre dossier de 2022 dans la revue XVIIe siècle, Repenser le XVIIe siècle, nouveau corpus, nouvelle méthode. Et bonjour Denis Cambouchner. Bonjour Géraldine. Vous êtes professeur émérite de philosophie de l'Université Paris 1, spécialiste de Descartes. Vous êtes toujours en train d'éditer les œuvres complètes de celui-ci en Pléiade. C'est un travail gigantesque. Les œuvres, oui, les œuvres complètes. En collection telle, oui. Voilà. Et vous ne cessez de publier ces derniers temps. J'ai cité en particulier déjà chez Gallimard votre récent ouvrage, La question Descartes. France Culture. Avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Voici un premier exercice, s'arrêter et prendre conscience. Interrompez ce que vous étiez en train de faire. Pour méditer, nous avons à lâcher toutes les actions et distractions en cours. Vous pouvez fermer les yeux, si vous voulez. Et prenez juste conscience de cet instant, de tout ce qui se passe à cet instant. Prenez conscience de votre respiration, de chaque inspiration, de chaque expiration. Prenez conscience de vos sensations corporelles, d'où qu'elles viennent, quelles qu'elles soient, agréables ou inconfortables. Prenez conscience des sons qui arrivent à vos oreilles, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, ceux qui vous plaisent comme ceux qui vous déplaisent. Faites-leur une petite place à tous. Vous avez eu peur, non? Oui, c'est bien avec philosophie. Il s'agit d'un exercice de méditation du psychiatre Christophe André, proposé sur France Inter en juin 2019. Et nous l'avons passé cet extrait parce que Christophe André invite à prendre conscience, je le cite, de tout ce qui nous entoure. Et c'est troublant, mais tout cela ressemble beaucoup aux exercices que proposait Descartes à son amie, la princesse Élisabeth, en juin 1645 pour, je cite Descartes, « la délivrer des pensées tristes, se représenter intérieurement en imagination tout ce qui est plaisant autour de soi, voilà ce qu'il semble lui conseiller, on l'écoute ». Une personne qui aurait une infinité de véritables sujets de déplaisir, mais qui s'étudierait avec tant de soin à en détourner son imagination qu'elle ne pensa jamais à eux, que lorsque la nécessité des affaires l'y obligerait. et qu'elle employa tout le reste de son temps à ne considérer que des objets qui lui pussent apporter du contentement et de la joie. Je ne doute point que cela seul ne fût capable de la remettre en santé, bien que sa rate et ses poumons fussent déjà fort mal disposés par le mauvais tempérament du sang que cause la tristesse. Les médecins ont coutume de recommander de délivrer entièrement l'esprit de toutes sortes de pensées tristes, et même aussi de toutes sortes de méditations sérieuses touchant les sciences, et de ne s'occuper qu'à imiter ceux qui, en regardant la verdeur d'un bois, les couleurs d'une fleur, le vol d'un oiseau et telle chose qui ne requiert aucune attention, se persuadent qu'ils ne pensent à rien. Ce qui n'est pas perdre le temps, mais le bien employer. Car on peut cependant se satisfaire par l'espérance que, par ce moyen, on recouvrera une parfaite santé. J'ai expérimenté en moi-même un mal presque semblable, et même plus dangereux, qui s'est guéri par le remède que je viens de dire. Car étant né d'une mère qui mourut peu de jours après ma naissance d'un mal de poumon causé par quelque déplaisir, j'avais hérité d'elle une toux sèche et une couleur pâle que j'ai gardée jusqu'à l'âge de plus de 20 ans et qui faisait que tous les médecins qui m'ont vu avant ce temps-là me condamnaient à mourir jeune. Mais je crois que l'inclinaison que j'ai toujours eue à regarder les choses qui se présentaient du biais qui me les pouvait rendre le plus agréable et à faire que mon principal contentement ne dépendît que de moi seul est cause que cette indisposition qui m'était comme naturelle s'est peu à peu entièrement passée. Descartes, lu par Riad Kera de notre équipe, écrivant à la princesse Élisabeth en 1645 qu'il faut qu'elle se concentre sur ses sensations agréables et tout ce qui se trouve autour d'elle. Est-ce là, Marie-Frédérique Pellegrin, une des grandes vertus de l'imagination selon Descartes, se faire son cinéma intérieur, dirions-nous aujourd'hui, se représenter de belles choses pour agir sur son humeur? Je crois que la lettre est plus complexe que cela dans son enchaînement parce que, en réalité, l'imagination, c'est encore un mode du penser chez Descartes. Oui. Et particulièrement dans cette lettre. Donc, face à la mélancolie, nous, on dirait la dépression, il faut être clair, d'Élisabeth de Bohême, ce que conseille Descartes dans un premier temps, c'est de se détacher des pensées sérieuses. Mais après, quand on regarde la verdeur d'un bois, comme quand on est dans un TGV et qu'on regarde le paysage défiler comme ça, oui, c'est même pas l'imagination qui est mobilisée. C'est-à-dire qu'en fait, les images passent tellement rapidement qu'il y a une espèce d'hypnose et on ne pense plus à rien. Et il est intéressant que dans la lettre, il passe de, voilà, on réduit l'usage progressif de nos facultés, y compris celui de l'imagination, à son second remède, qui est le problème, c'est que l'imagination, elle nous envahit. Et quand elle veut nous proposer des images déplaisantes, des images déprimantes, elle y arrive très bien. Alors que fait-on dans ce cas-là? Et c'est là que, pour moi, c'est un passage, un paragraphe de Descartes absolument incroyable, Descartes va nous parler de sa vie intra-utérine. Il va nous parler, il va nous proposer son expérience en tant que fœtus. C'est quand même incroyable. Et il explique, il fait un parallèle entre la toux d'Élisabeth qui est déprimée et la toux qu'il a héritée de sa mère qui elle-même était déprimée quand elle l'attendait. Et ce parallèle est proprement surréaliste. Je passe sur le fait qu'il nous explique que sa mère mourra quelques jours après alors qu'elle meurt lors de couche suivante, plus d'un an après. Là, ça relève de la psychanalyse, on peut pas en traiter ce matin. Mais quand même, la contagion imaginative va atteindre le corps du fœtus Descartes, ouais, et va atteindre ses poumons, si bien que, comme dit la lettre, les médecins ne lui donnaient que quelques jours à vivre. Mais il s'est ressaisi. Et vous invoquez la psychanalyse, mais en réalité, on semble avoir affaire à de la suggestion et de l'autosuggestion. Élisabeth gagnerait peut-être à aller s'allonger quelque temps sur un divan d'analyse. Bon, c'est pas encore inventé. Descartes a peut-être eu d'autres ressources inconscientes pour survivre à cette tristesse et cette maladie que lui aurait transmis sa mère par sa propre dépression. Mais en réalité, il invite à une suggestion, une autosuggestion. Et est-ce que ce n'est pas l'imagination qui est mobilisée là? Absolument. C'est l'imagination. C'est ce qu'on appelle à cette époque la contagion imaginative. Et particulièrement étudiée chez les deux auteurs qui nous intéressent ce matin, c'est-à-dire Descartes et Malebranche, dans le cas de la grossesse. Parce que dans le cas de la grossesse, le fœtus, il est très fragile et il reçoit, il est bombardé d'images maternelles auxquelles il résiste plus ou moins bien. On va revenir à Malebranche. J'ai l'impression que c'est surtout négatif chez lui, la contagion, alors que chez Descartes, on se ressaisit, n'est-ce pas, Denis Kang-Bouchner? Est-ce qu'il demande dans cette lettre il propose à Elisabeth d'arrêter d'imaginer, ou au contraire, de dévier son imagination des mauvaises choses vers les bonnes? Il y aurait un peu des deux. D'accord. Il y aurait un peu des deux. Si on veut reprendre les choses un peu en amont. Je vous en prie, allez-y. Descartes appelle imagination la faculté qu'a l'esprit de se représenter, de contempler des images en général, dont celles que fournissent les sens. Alors, ça se passe entre l'esprit et le cerveau. Et bien entendu, les gens qui croient que Descartes ne s'est pas intéressé au cerveau sont complètement dans le faux. Peu de choses l'ont autant intéressé que le cerveau. Oui. Il a disséqué des cerveaux. Il n'a pas pu en observer au microscope parce que l'usage du microscope, qui était encore très très très exceptionnel à l'école, à l'époque, ne s'est généralisé que chez les savants. Il a fait comme Léonard de Vinci, quoi. Que dans les années 1670. Donc Malebranche connaît le microscope, mais pas Descartes. Mais le cerveau l'intéressait énormément. Donc il a toute une théorie de l'imagination comme rapport entre l'âme et le corps, et comme rapport entre l'âme et le cerveau. Il y a plusieurs formes d'imagination. Oui. Il y a l'imagination volontaire qui consiste à vouloir se représenter quelque chose. Et Descartes explique que dans ce cas-là, sous une forme d'image bien caractérisée, il faut que quelque chose comme cette image se forme dans le cerveau. Donc il y a un peu... C'est actif, quoi. C'est un peu ce qu'il conseille à Elisabeth. Et puis, il y a l'imagination des rêveries. Et là, c'est totalement aléatoire. Descartes explique que les parties les plus subtiles du sang, les plus fines parties du sang qui pénètrent dans le cerveau et qu'il appelle les esprits animaux, c'est un terme de l'ancienne médecine, mais qu'il le détourne. Les esprits animaux se promènent dans le cerveau quand on dort, par exemple, de manière aléatoire, et ça donne nos rêves. Oui. Bon. Et là, on peut mais rien faire évidemment, dessus, mais évidemment, dans le courant de la vie, c'est-à-dire quand on est à l'état de veille, mais qu'on ne concentre pas absolument sa pensée sur quelque chose, eh bien, les esprits animaux continuent à se promener dans le cerveau, et cette fois de manière un peu plus réglée, et c'est ce qui fait que, même indépendamment, en dehors de ce que nous sentons directement, nous avons des images à l'esprit s'agissant des choses auxquelles nous pensons. Et ces images, en effet, Marie-Frédéric l'a dit, elles affectent l'esprit. Et on peut agir dessus, c'est ça le point qui m'intéresse là par rapport à Elisabeth, qui ne va pas bien. Il faut l'aider quand même, cette pauvre Elisabeth. Il faut l'aider, alors il faut sélectionner. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est un genre de méditation qui est tout de même assez différent de celui que présentait Christophe André. Il ne s'agit pas de se concentrer sur son état intérieur. Sur ce qu'il y a autour de soi, dit Christophe André. Ouais, c'est bien la conscience des sensations corporelles, je reprends son expression. Oui, oui. Alors chez Descartes, non, ça ne fonctionne pas, ça. D'autant que Elisabeth est un peu en mauvaise santé et ça ne constituera pas idée en qu'elle soi une expérience forcément agréable. En revanche, effectivement, il y a l'idée que si on se donne des images agréables, si on contemple des choses agréables, ça fait plutôt du bien à l'esprit. Disons que ça le soulage par rapport à des représentations qui sont obsédantes. Mais aussi bien, on peut, si c'est possible, c'est-à-dire si on est un peu tranquille avec les images, choisir de faire de la philosophie à proprement parler, enfin philosopher à proprement parler, et là, il n'y a pas trop besoin de l'imagination. Alors, on va y venir. Juste un mot, vous pouvez me rappeler un peu, ainsi qu'aux auditeurs, Marie-Frédérique Pellegrin, qui était la princesse Élisabeth ? Alors, la princesse Élisabeth de Bohême, pour moi, est une femme philosophe. Oui. Elle appartient à notre, ce que j'appelle notre matrimoine philosophique, même si le terme est encore un petit peu discuté, au sens où, si dans les corpus de philosophie, on inclut les lettres, qui font partie de toutes les œuvres philosophiques des philosophes modernes, eh bien, il y a des milliers de lettres philosophiques d'Élisabeth. Et dans sa grande correspondance avec Descartes, qui est pour moi la plus belle correspondance philosophique de tous les temps, soyons modestes, je pense que il y a deux philosophes qui dialoguent l'un avec l'autre. Et Élisabeth, par bien des aspects, n'est pas cartésienne et développe sa propre pensée à partir d'une réflexion sur l'union de son âme et de son corps à elle, et sur justement, notamment, ce que c'est qu'un corps, un corps souffrant, etc. Et de ce point de vue-là, elle résonne avec beaucoup de thématiques actuelles en philosophie sur voilà, la maladie, le soin, le corps, la manière dont non seulement l'âme, non seulement le corps affecte l'âme, mais également l'âme affecte le corps, ce qui est assez intéressant quand même. Donc elle entend parfaitement ce que lui dit Descartes, et elle a ses techniques à elle pour essayer d'orienter son imagination vers des choses agréable. Elle lui a dit qu'il était son médecin, et d'ailleurs à cet égard tenu par le serment d'Hippocrate. Et donc c'est une correspondance où il y a énormément de confidences psychologiques, physiologiques sur soi. Alors maintenant, venons-en, avant de parler du statut de l'imagination dans le travail philosophique et scientifique, qui va nous occuper un moment dans cette émission, je voudrais revenir au rêve, c'est-à-dire, je crois, si je ne me trompe pas, ce que Descartes appelle l'imagination passive. Là, on peut rien y faire, on a des images qui nous arrivent la nuit. Et c'est important parce que dans l'histoire de Descartes, si l'on en croit son biographe Adrien Baillet, auteur d'une vie de Monsieur Descartes en 1691, Descartes a eu trois songes en 1619, je crois dans la même nuit, très importants, qui lui ont permis de ressentir, je cite Descartes, un enthousiasme. Il dit beaucoup ce mot, notamment pour la science, et l'idée au fond que lui, Descartes, avait quelque chose à faire de très important, qui était de comprendre de manière mathématique la nature. C'est donc fondamental, les rêves, pour Descartes, Marie-Frédérique Pellegrin. Oui, c'est absolument fondateur, cette fameuse nuit des Olympica qui fascine tous les cartésiens, parce que c'est vrai que le père du rationalisme, il a commencé en philosophie, sa conversion philosophique s'opère au moyen de quelque chose qui est tout sauf rationnel, c'est-à-dire la libre association d'images lors d'une nuit de rêve. Et ce qui est intéressant, en effet, dans ces rêves, dont nous n'avons pas le récit par Descartes lui-même, mais un récit tronqué par des sources annexes, malheureusement, la matière de ce rêve, c'est quand même la conversion à la science, la nécessité de fonder une nouvelle science, notamment avec cette histoire de melon qui fascine un petit peu tout le monde. Il rêve de melon et on se demande si c'est le diable qui lui apporte le monde. C'est quoi cette histoire de melon ? C'est-à-dire cette idée qu'en fait, on pourrait, si on n'est pas méthodique, si on ne prend pas son temps, on peut être tenté par le diable qui vous donne une connaissance directement. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est par les seules forces de son esprit et par la méthode, chercher ardemment. Et comme le suggérait Denis tout à l'heure, chez Descartes, l'imagination, c'est quelque chose de très vaste et elle a notamment un usage en mathématiques absolument fondamental. On va y venir. Moi, c'est les melons, les rêves, le passif, ce qu'on ne maîtrise pas, qui commence, pour ce début d'émission, à m'intéresser, parce que s'il y en a bien un qui est un philosophe de la maîtrise, normalement, c'est Descartes. Donc, quel est le statut du non-maîtrisable, des images bizarres qui lui arrivent en rêve ? On peut quand même faire un sort à ce problème tout de suite, Denis Cambouchner. Oui. Alors pour les rêves de 1619, les fameux rêves que Descartes a eu quand il était en Allemagne à regarder un peu les débuts de la guerre de 30 ans. Il a 20 ans. Oui, 20, 23 ans. Bon, je serais un peu plus nuancé par rapport à cette, leur fonction. Les rêves interviennent à un moment où, à la fin d'une journée d'intense méditation. Sur des sujets scientifiques. Donc, ils viennent confirmer une vocation plutôt que la déterminer. Descartes réfléchit déjà sur un certain nombre de problèmes de science, particulièrement, sans doute sur la définition de sa méthode, et il a, après une journée particulièrement féconde, ses rêves qui, en effet, le confortent dans sa vocation. Est-ce qu'il a cru que l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, en quelque sorte, venait le visiter? Oui, est-ce qu'il l'a cru? Est-ce qu'il l'a cru? C'est très très difficile à dire. C'est très probable. C'est très difficile. Non, c'est pas très probable. Non, oui, alors c'est l'homme de la maîtrise. Hein. Et ce qu'il écrit à Élisabeth dans la lettre de mai ou juin que nous avons lue montre que cette maîtrise peut prendre diverses formes, puisqu'il peut s'agir de contempler des choses agréables et pas simplement de méditer. Mais la maîtrise ne peut jamais être absolue. Et là, ce rêve, au fond, c'est un rêve complètement non maîtrisé, qui conforte son désir de maîtrise. Ne peut jamais être absolue. Et de toute façon, c'est le même Descartes qui écrit à Élisabeth, et la chose est célèbre, que les études de philosophie, peut-être va-t-on y venir, ne l'occupent que de métaphysique, ne l'occupent que quelques heures par an. Qu'il fait des mathématiques et des sciences quelques heures par jour, ouais. et le reste, c'est pour le relâche des sens et le repos de l'esprit. Donc, l'extrême concentration d'esprit que Descartes a mise en œuvre et qu'il préconise, se conçoit en alternance, si l'on veut, science et philosophie, avec l'usage des conversations, une espèce de régime dans lequel je ne dis pas qu'il faut se laisser aller. Pas aussi contraignant la conversation philosophique pour l'esprit que la science. Il faut faire les deux. Voilà, il y a divers régimes de concentration de l'esprit. Alors voyons maintenant le statut de l'imagination dans ces deux activités. Commençons par la science. Je vous propose d'introduire ce problème par un propos de l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet qui insiste sur le rôle de l'imagination dans la découverte scientifique. Où est-ce qu'on va chercher nos idées ? On peut, dans beaucoup de cas, aller chercher nos idées d'après des données expérimentales, où on va essayer de les interpréter en fonction de modèles. Mais encore mieux, les vrais théoriciens, les théoriciens purs, n'ont pas besoin des données expérimentales. Ils se posent des questions, tout simplement. Des questions de base. Qu'est-ce que c'est l'espace ? Qu'est-ce que c'est le temps ? Qu'est-ce que c'est la gravitation ? Qu'est-ce que c'est la lumière ? Qu'est-ce que c'est l'énergie ? Qu'est-ce que c'est le vide ? Combien y a-t-il de forces fondamentales dans l'univers ? Maintenant, c'est bien beau de se poser des questions, mais il faut essayer après d'imaginer les réponses. Et j'ai bien dit imaginer les réponses, parce qu'a priori, on ne sait pas quelles sont les réponses. Donc, il y a une forte part d'imagination. Et cette imagination, elle vient d'où ? De notre imaginaire. On a tous un imaginaire. Et on a un imaginaire en commun, parce qu'en nous, dans notre cosmos intérieur, on a des images primordiales, des archétypes, si vous voulez, de ce que peut être l'énergie, de ce que peut être l'organisation du monde, de ce que peut être le vide, de ce que peut être le début de l'univers, peut-être l'origine, de ce que peut être la fin, etc. Et ces images primordiales jouent un rôle dans la créativité d'un scientifique. Un rôle qui n'est pas toujours avoué, d'ailleurs, par les scientifiques créatifs. Ce rôle un petit peu irrationnel de l'imaginaire au départ, comme étincelle de départ d'une théorie. Alors, vous venez d'entendre donc Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, spécialiste notamment des trous noirs, qui s'exprimait là, en 2010, sur un site consacré à un projet avec d'autres scientifiques, par exemple Hubert Reeves, un projet intitulé « Du Big Bang au vivant ». Marie-Frédérique Pellegrin, Est-ce que, comme pour Luminet, plusieurs siècles après lui, Descartes considère que l'imagination dans la science a avant tout un rôle d'étincelle, c'est le mot de Luminet, Jean-Pierre Luminet, d'étincelle de départ, ou bien l'imagination a-t-elle un rôle plus fondamental tout au long du travail scientifique ? Oui, je crois que le terme qui conviendrait peut-être mieux, parce que étincelle, c'est l'idée d'un point de départ qui met le feu à autre chose. Tandis que dans le travail mathématique, dans les règles pour la direction de l'esprit, Descartes explique bien que on a besoin de l'imagination comme adjuvant tout au long de la réflexion des mathématiques, en mathématiques. Au fond, quand on fait des mathématiques, on travaille des images, que ça s'appelle des équations ou des figures géométriques, ce sont des images, c'est matériel. Pi, c'est un symbole, donc c'est une image. Or, pour un mathématicien, évidemment, ça représente une idée, pi, une pensée. Donc, en fait, quand un mathématicien travaille, il utilise constamment des images. Il doit tracer des cercles, il doit écrire des équations, et ça repose son esprit. Descartes dit bien que, comme le soulignait Denis tout à l'heure, le travail de l'entendement est extrêmement fatigant, extrêmement fatigant. Et donc, si un mathématicien devait uniquement avoir des idées du cercle et pas de temps en temps tracer des cercles pour s'aider à renforcer ou nuancer son idée du cercle, ce serait un travail en pointillé. Donc, l'imagination chez Descartes a une fonction positive majeure qui se trouve en mathématiques. À vous, Denis Kombouchner, de nous expliquer ce statut de l'imagination dans le travail scientifique. Oui, alors je ne pense pas que Descartes aurait dit imagination comme Jean-Pierre Luminet pour l'invention. D'accord, c'est pas pour ça. En revanche, l'imagination, comme le dit bien Marie-Frédérique, a un rôle absolument constitutif pour toute la pratique des sciences mathématiques et physiques. Donc, Descartes dit bien, ma physique n'est autre chose que géométrie. Dans son premier traité de la méthode, le seul en réalité, un texte qu'il n'a jamais publié et qui a été retrouvé dans ses papiers à sa mort, les règles pour la direction de l'esprit. Oui. Descartes consacre des pages entières à l'usage de l'imagination dans le traitement des questions mathématiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir les données du problème clairement présentes à l'esprit, donc figurer qu'en image les données du problème, alors avec des lignes qui représentent les des grandeurs qui représentent les éléments de la question. Et nous savons que il y a tout un art cartésien de la transposition géométrique des questions algébriques et inversement de l'expression algébrique des questions de géométrie. Et en même temps, c'est vrai, une notation algébrique, un signe algébrique, c'est aussi un objet d'imagination. Donc, dans une lettre, une autre, à la princesse Élisabeth, le 28 juin 1643, Descartes dit que l'étude des mathématiques, je le cite, exerce principalement l'imagination en la considération des figures et des mouvements. Et donc, l'étude des mathématiques ainsi nous accoutume à former des notions du corps bien distinctes. Peut-être y a-t-il d'autres conceptions des mathématiques qui parfois ont affaire à des abstractions au-delà des images. Mais en tout cas, pour Descartes, on est dans le domaine de l'imagination. Pourquoi nous dit-il donc, par ailleurs, sans cesse, que pour d'autres choses à concevoir, il ne faut pas chercher à imaginer, car il ne faut pas chercher à imaginer ce qui ne peut être que conçu. Donc il semble quand même que d'autres choses que ce qu'il appelle lui les mathématiques en son temps n'est pas accessible à l'imagination. Marie-Frédérique Pellegrin. Et avant de vous répondre, Géraldine, je dirais que même en mathématiques, l'imagination est une faculté limitée malgré tout. Le meilleur exemple le plus connu se trouve dans les méditations métaphysiques à propos d'une figure à mille côtés. Et voilà, je suis contente, j'attendais que vous en parliez. Le fameux chiliogone, qui est donc une figure qui a mille côtés, c'est ça ? D'accord. Et Descartes dit, dans un entretien avec Burman en 1648, je lis, on ne peut pas tirer et figurer dans le cerveau 1000 petites lignes, si ce n'est de manière confuse. Alors, on n'imagine pas non plus distinctement le chiliogone, mais seulement de manière confuse. Et donc là, à quoi fait-on appel ? À une abstraction qui n'a plus rien à voir avec l'imagination ? Oui, ça c'est tout à fait frappant dans un XVIIe siècle qui va avoir quand même tendance à faire de l'imagination une puissance trompeuse, une puissance envahissante, que chez Descartes, l'imagination est quelque chose qu'on peut tout de même largement, pas totalement bien sûr, on en parlait tout à l'heure, mais largement contrôler, et pour notre utilité en tant que scientifique, en tant que savant. Donc, elle est limitée. Je ne peux pas imaginer une figure à mille côtés. Je ne peux que l'intelliger. Donc j'ai besoin de l'entendement, j'ai besoin de la raison, appelez-la comme vous voulez, pour aller plus loin, y compris donc dans l'exemple qui nous occupe, dans le champ qui nous occupe actuellement, c'est-à-dire les sciences et plus particulièrement les mathématiques. C'est très important ça. Chez Descartes, malgré tout, l'imagination est une faculté limitée. Denis Cambouchner, je crois qu'il y a une distinction faite par Descartes entre l'imagination géométrique et l'imagination plastique. Dans la géométrie, elle peut aider l'imagination. Mais au-delà de ces deux cas, la plastique, alors là, c'est franchement les licornes, les animaux, on peut tout faire. Mais au fond, il y a en dehors de ces deux champs, un champ de l'abstraction pure, de la conception. Oui. Et là, pour le coup, Descartes nous dit « oubliez l'imagination ». Oui, alors c'est pas Descartes, pardon, lui-même qui parle de d'imagination plastique. C'est une dénomination pour évoquer la manière que nous avons d'imaginer des chevaux ailés, des chimères, ouais, palais enchantés, etc. Et c'est une application de l'imagination évidemment distincte de son application dans les sciences où il s'agit toujours, j'insisterai là-dessus, de schématiser. Hein. Merci, parce que ça nous annonce Kant demain sur la schématisation. En mathématiques, en même temps qu'en physique, il s'agit de suivre par l'esprit tout un processus de déplacement des parties de la matière les unes par rapport aux autres, selon certaines lois. Et naturellement, tout ça est très contrôlé par l'activité de l'entendement. Mais en métaphysique, il faut laisser autant que possible l'imagination de côté. Alors je vais poser une question bête, j'adore ça. C'est quoi la métaphysique ? Ah, la métaphysique, c'est la connaissance des premiers principes, dit Descartes, de la connaissance humaine. La métaphysique, c'est la partie de la philosophie qui s'occupe de ce qui existe en général, qu'est-ce qui existe, et de ce que c'est que la vérité, ou plutôt de la manière dont nous pouvons nous assurer d'un accès à la vérité. Donc, la métaphysique. Quelle vérité ? La vérité mathématique. La vérité en général. La vérité en général. Morale, par exemple ? Alors, la morale, c'est une affaire assez compliquée, ce que c'est que la vérité en morale. Mais, la métaphysique, permet non seulement de s'assurer de ce que nous sommes, qu'il y a un Dieu qui est un être infini et incompréhensible par nous, que ce Dieu a créé un monde dont nous sommes une toute petite partie. Donc la métaphysique, c'est ce qui n'est pas forcément vérifiable dans l'expérience, mais qui nous apparaît vrai par notre entendement, telle lumière intérieure. Par la consultation des idées qui sont en nous et qui, selon Descartes, ont été mises en nous par Dieu. Alors, pas par une opération spéciale, c'est commun à tous les hommes, mais c'est l'idée de Dieu est en nous dès l'état prénatal dont nous parlions tout à l'heure et dont Malebranche, évidemment, sera le grand théoricien. Et celui qui ne serait pas d'accord, athée par exemple, ferait également dans son genre de la métaphysique. L'athée a également l'idée de Dieu, y compris dès que qu'une âme est mise dans son corps, donc dès avant la la naissance, mais évidemment, ils ne la consultent pas comme il faut. Et il ne faut pas croire que parce que on a, selon Descartes, l'idée de Dieu installée de nature dans notre esprit, elle nous est transparente et nous avons toujours Dieu à l'esprit. Mais pour la découvrir, ce qui est effectivement telle qu'elle est, ce qui est effectivement un objet de des grandes tâches de la métaphysique, il faut laisser l'imagination de côté. Laisser l'imagination de côté. Nous parlons de l'imagination chez Descartes et chez Malebranche ce matin, en compagnie de Denis Cambouchner et de Marie-Frédérique Pellegrin. J'ai quand même intitulé cette émission « Dangereuse mais indispensable » avec un point d'interrogation pour évoquer l'imagination chez eux. Parce que peut-être qu'en métaphysique, comme vient de le dire Denis Cambouchner, elle est inutile. Mais est-ce vrai de toute la philosophie ? Est-ce que, mine de rien, pour Descartes, l'imagination ne compte pas, comme elle compte un peu en mathématiques, avec ses limites ? Est-ce qu'elle ne compte pas ? Parce que la philosophie, c'est aussi la philosophie morale, c'est aussi la réflexion sur le comportement des humains, c'est aussi notre rapport à la nature qui n'est pas forcément que scientifique. Est-ce qu'il n'y a pas un statut, malgré tout, de l'imagination dans la réflexion philosophique au sens large pour Descartes? Marie-Frédérique Pellegrin. Je pense qu'il faut se souvenir que chez Descartes, il y a deux définitions de la pensée, une large et une étroite, si je puis dire. L'étroite, c'est le travail de la raison, mais la large inclut la sensation, l'imagination, la volonté, donc tout un tas de modes d'être de la pensée qui ne sont pas forcément purement rationnel, purement relevant purement de l'entendement. Donc de ce point de vue-là, chez Descartes, l'imagination est une faculté dont on peut faire un usage positif à condition de la maîtriser et de l'accompagner d'une volonté sûre. Et du coup, chez Descartes, il n'y a pas, pour répondre au titre de l'émission, elle n'est pas forcément dangereuse. Dès lors qu'elle est maîtrisée, je peux l'utiliser comme la sensation, comme la volonté, dans toutes les opérations de l'esprit en tant que savant et philosophe. Alors, je voulais qu'on réévoque ce problème de l'imagination chez Descartes, même si elle est exclue d'un certain nombre d'activités philosophiques, notamment métaphysiques, et du travail de la conception, lorsque celle-ci doit s'émanciper de l'image, en quelque sorte. Mais j'y revenais parce que on est dans un siècle qui a très peur l'imagination, qui a très très peur l'imagination. Michel Foucault a bien expliqué la peur du sensible et aussi des croyances bizarres héritées encore du Moyen-Âge, très vivaces à l'époque de la Renaissance et encore là au tout début du XVIIe siècle. C'est la peur de la folie en vérité qui peut rôder et l'âge classique construit la raison en essayant de domestiquer ou de recouvrir cette partie un peu folle. Contagion de croyances bizarres, imagination ingérable. Vous en avez peut-être un exemple par ce que dit l'historien Jean Tellet sur ce qu'on a appelé la manie dansante au XVIe siècle. Il s'agit d'une épidémie de danse très très bizarre qui serait apparue à Strasbourg en 1518. On écoute. Une femme dont on connaît le nom, Eneline Trophéa, le vendredi 12 juillet 1518, vers midi, sort de chez elle, rue du Jeu des Enfants. Quand même, quel nom de rue. Et une rue qui existe toujours. Avec son nourrisson dans les bras, elle va jusqu'au pont du Corbeau, et là, elle balance son baume à la rivière. Elle avait plus de lait, pouvait donc plus allaiter son baume, et elle, c'était impossible de le nourrir. Elle revient rue du Jeu des Enfants, et là, dans la rue, elle se met à danser. Et d'autres gens qui étaient dans des situations infernales comme elle, la voyant, se sont approchés d'elle et se sont mis à danser aussi. Et donc cette danse est devenue contagieuse et tout le monde est rentré dans le sillage d'Eneline Trophéa. Et le gros problème, c'est que les gens qui se mettaient à danser ne pouvaient plus s'arrêter. Ils dansaient nuit et jour pendant des semaines. Les médecins qui déboulaient se disaient « Mais comment c'est possible ?» Même les plus chétifs n'arrêtent pas de danser. Les pieds en sang, cartilage apparent, et les gens mouraient d'épuisement, de crise cardiaque. À un moment, c'était 30 morts par jour. Et le clergé et le maire essayaient d'arrêter ça aussi bien qu'ils pouvaient. Ils avaient beaucoup de mal. C'était en mars 2018 sur France Culture. Jean Tellet évoquait ce thème qui a été au centre de son roman paru chez Julliard en 2018, Entrée dans la danse. Marie-Frédérique Pellegrin, chez Malebranche, qui est plus jeune que Descartes, qui est très cartésien, il y a cette peur qu'on retrouve, peut-être davantage que chez Descartes, la peur des croyances bizarres, de l'imagination folle, et notamment, puisque vous parliez tout à l'heure de ce que la mère pourrait transmettre à son fœtus, Malebranche dira, mais c'est terrible, attention les mères, quand elles font des expériences, des sensations, mais aussi tout cela nourrissant leur imagination des pensées un peu folles et dangereuses, le fœtus peut s'en trouver affecté. Et nous avons vu tout à l'heure que ce genre d'idée n'était pas étrangère à Descartes. Mais chez Malebranche, tout est plus dingue. Enfin, je veux dire, tout est plus énorme. Est-ce que vous pourriez évoquer ce moment dans De la recherche de la vérité de Malebranche en 1674-75 où Malebranche dit « Attention les mères, ne faites pas trop d'expériences excentriques, le bébé s'en trouverait affecté ». Oui, en fait, chez Malebranche, il y a une théorie générale de l'imagination qui devient, selon moi, la faculté maîtresse pour comprendre ce que nous sommes. Enfin, ça détermine ce que nous sommes, ça détermine notre salut, ça détermine nos rapports à autrui. Je partirai peut-être de votre exemple que j'ai trouvé assez fascinant, de cette danse qui se propage comme ça. Parce que Malebranche, c'est exactement ça qu'il analyse, la propagation des images et le fait qu'on est enivré par l'imagination des autres. Comment se fait-il que les images des autres se transmettent à nous ? Et vous parliez de la folie tout à l'heure. Un fou, c'est quelqu'un qui a des images délirantes, c'est quelqu'un qui monte au lustre. Mais ça le regarde. Comment ça se fait que sa monomanie peut devenir contagieuse ? Ça, ça l'angoisse, Malebranche. Ah, c'est... Comment se fait-il que quelqu'un qui me raconte qu'il est allé au sabbat sur un balai copuler avec le diable, je vais le croire ? Pourquoi je me dis pas c'est un fou ? Et donc, c'est comme cette danse de tout à l'heure. Il va y avoir, selon Malebranche, un transport d'images qui sont suffisamment fortes pour m'impressionner. Je n'avais pas du tout l'idée de sorcellerie et de sorcière en moi. Et petit à petit, je vais commencer à y croire. Et cela s'intègre chez Malebranche, dans le livre 2 sur l'imagination du de la recherche de la vérité, dans une théorie générale sur l'imitation. Pourquoi? Alors, parlez-moi de cette mère-là qui a vu... Oui. Elle a vu un criminel. Je commence l'histoire, puis vous la finissez, d'accord? Elle a vu un criminel, raconte Malebranche, qui a été en quelque sorte écartelé. Je crois que c'est ça, l'horrible... Roué. Punition, sanction, roué, voilà, d'accord. Et donc, on lui a enlevé tous ses jambes, enfin bref. Et donc, elle a été absolument saisie de cela. Ça a hanté son imagination. Et ce serait la raison, dit Malebranche, quand même. Franchement, scientifiquement, c'est un peu léger. Pour laquelle le bébé né de cette femme aurait eu, d'une part, des membres absents. Et d'autre part, une vraie folie. Oui. Alors là, on est dans la contagion imaginative entre mère et fœtus, qui est extrêmement développée chez Malebranche. Et contrairement à ce que vous dites, Géraldine, je vais défendre Nicolas Malebranche. Ah. C'est pas tout à fait délirant, parce que il y a beaucoup d'études qui montrent que des mères traumatisées. Il y a eu des études sur les femmes enceintes après la Shoah, qui ont vécu la Shoah, ou d'autres types d'attentats. Et en effet, leurs fœtus sont beaucoup plus petits. Enfin, il y a quand même l'idée d'une transmission. Des angoisses entre mère et fœtus n'est pas totalement délirante. C'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'ils n'ont pas de jambes quand elle a vu un. Alors, chez Malebranche. Un criminel écartelé. Chez Malebranche, effectivement. Non, mais je veux dire, il y a quand même cette idée que la vie prénatale, il se passe beaucoup de choses qui déterminent notre corps et notre esprit dans la vie prénatale. Et ça fascine les auteurs du XVIIe siècle et notamment Malebranche. Donc, dans l'exemple le plus célèbre de la recherche de la vérité, c'est cette femme enceinte qui assiste à la torture publique d'un homme. En fait, ce qui se passe, c'est psychophysiologique pour Malebranche. C'est-à-dire que la mère a un cerveau relativement mature, même si les femmes ont des cerveaux moins matures que ceux des hommes chez Malebranche. Elle a un cerveau mature, donc elle est très fortement impressionnée, son cerveau est très fortement impressionné par ces images horribles. Et elle va transmettre ces images au cerveau du fœtus, qui lui est extrêmement mou, dit Malebranche. Les esprits animaux, évidemment, pénètrent avec force dans le sang, au moyen du sang, dans son cerveau. Et là, ça va s'imprimer au point de le rendre fou et qu'ils naissent avec les membres brisés aux mêmes endroits que l'était la personne en train d'être rouée. Alors on va écouter un texte de Malebranche qui prend un autre exemple, le fait que les sorciers et leurs croyances excitent l'imagination de tout le monde, même quand ils sont punis, même quand ils sont morts, et peut-être plus encore lorsqu'on les châtie. Et après on reviendra, Denis Cambouchner, sur Descartes. Ma question sera, pourquoi Descartes n'a-t-il pas autant peur que son disciple Malebranche de la puissance de l'imagination. Écoutons d'abord Nicolas Malebranche de La recherche de la vérité, un extrait sur les sorciers. Quand les hommes nous parlent, ils gravent dans notre cerveau des traces pareilles à celles qu'ils ont. Lorsqu'ils en ont de profondes, ils nous parlent d'une manière qui nous en grave de profondes. Car ils ne peuvent parler qu'ils ne nous rendent semblables à eux en quelque façon. Les enfants dans le sein de leur mère ne voient que ce que voit leur mère. Et même lorsqu'ils sont venus au monde, ils imaginent peu de choses dont leurs parents n'en soient la cause. Puisque les hommes, même les plus sages, se conduisent plutôt par l'imagination des autres, c'est-à-dire par l'opinion et par la coutume, que par les règles de la raison. Ainsi, dans les lieux où l'on brûle les sorciers, on en trouve un grand nombre. Parce que dans les lieux où on les condamne au feu, on croit véritablement qu'ils le sont. Et cette croyance se fortifie par les discours qu'on en tient. Que l'on cesse de les punir et qu'on les traite comme des fous. Et l'on verra qu'avec le temps, ils ne seront plus sorciers. Parce que ceux qui ne le sont que par imagination, qui font certainement le plus grand nombre, reviendront de leurs erreurs. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Denis Cambouchner, je trouve que c'est une illustration parfaite de la thèse de Michel Foucault. L'âge classique a réduit la folie à rien, à de la non-raison. C'est beaucoup plus efficace que de mettre des sorciers sur les bûchers, parce que ça excite au contraire tout le monde, ça leur donne raison, ça donne une contagion. Foucault dit, le génie de l'âge classique, c'est-à-dire, écoutez, enfermez-les, qu'on n'en parle plus, ce sera moins grave et moins contagieux. Oui, alors le tableau que fait Foucault a été nuancé depuis, naturellement. Ça date du début des années 60 l'histoire de la manière dont on considère les diverses pathologies a fait encore des progrès. Oui, c'est juste pour vous dire, le but de cette remarque était juste de dire, c'est fou ce que le XVIIe siècle a eu peur de l'imagination, a cherché les bons moyens, pas les mauvais, pour la domestiquer. Alors à propos de Malebranche, qui est un penseur extraordinaire, qu'on ne lit pas assez, et le livre 2 du grand livre de La recherche de la vérité, donc 1674-1675 sur l'imagination, c'est un trésor, un trésor de réflexion anthropologique, y compris s'agissant des défauts des personnes d'étude et de ce que Malebranche appelle la préoccupation des commentateurs, c'est-à-dire à force de lire un auteur et de le célébrer, on prend parti pour lui aveuglément, etc. Et c'est encore une affaire d'imagination. Bon. Et en pensant à ça, je pensais aux théories du XVIe siècle sur l'imagination comme liées à une espèce d'esprit, à un souffle, un pneuma quasi stoïcien, il en a été question hier, qui circule en dehors du corps et qui met l'âme en rapport avec les objets et donne ces communications extraordinaires. Donc, il a très peur, Malebranche. Malebranche donne de ces théories sur la force de l'imagination une version mécaniste, c'est-à-dire effectivement des impressions se peignent dans le cerveau et ça fait tel et tel effet. Pourquoi en a-t-il si peur ? Oui, pourquoi ? Il faut dire que Malebranche est un prêtre de l'oratoire, que c'est un homme de Dieu à cet égard, et que l'imagination nous éloigne de Dieu. L'imagination a du rapport avec le péché originel et sa force et qui se transmet, selon Malebranche, de la mère à l'enfant. Marie-Frédérique peut nous expliquer pourquoi. Et tous les excès de l'imagination partage l'esprit, dit Malebranche, l'empêche de penser à ce à quoi il devrait penser, et nous éloigne de pourquoi Dieu. Descartes en a-t-il moins peur? On n'a pas des mais pages comme que, ça chez parce Descartes. Que Descartes, il y a un tel, dans cette espèce d'interview qui s'appelle l'entretien avec Burman en 1648, vers la fin de la vie de Descartes, Descartes dit le philosophe considère les hommes tels qu'ils sont à présent. Mais est-ce que c'est pas parce c'est-à-dire que le péché originel n'est pas un objet pour lui. Et Descartes a un regard sur la volonté humaine, les passions et même les vices qui sont ceux de beaucoup d'hommes. Un regard beaucoup plus tout de même, on pourrait dire sécularisé. Hein. C'est parce qu'on maîtrise mieux les choses chez Descartes. Il existe quand même une force de l'intellect qui peut maîtriser les délires imaginatifs. Est-ce que ce n'est pas ça la raison profonde? Il existe une force de l'intellect. Alors, est-ce que d'une certaine manière, elle est plus grande chez Descartes que chez Malebranche, et c'est lié à l'inspiration stoïcienne de Descartes. Descartes est plus proche du néo-stoïcisme de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe que ne l'est Malebranche, c'est certain. Vous êtes d'accord, Marie-Frédérique Pellegrin, c'est un point majeur que Descartes ait tellement moins peur que Malebranche de l'imagination. Je pense que Denis a parfaitement raison d'insister sur le fait que la différence clé entre les deux auteurs, c'est la place du péché originel, qui est très faible dans l'anthropologie de Descartes et qui est structurante dans l'anthropologie de Malebranche. Malebranche explique que c'est lors de la grossesse que se transmet le péché originel. Ce qui est extrêmement hétérodoxe. C'est sa trouille à lui, ça, quand même. Enfin, excusez-moi de lire ça. Mais oui. Peut-être avec moins d'enthousiasme que, et peut-être lit-on insuffisamment Malebranche, comme l'a dit Denis Kambouchner, et il y a beaucoup de choses très enthousiasmantes. Mais enfin, aujourd'hui, on est quand même un peu gêné face à ces textes qui sont des textes de croyances, d'opinions, de folklore. Excusez-moi, mais enfin, franchement, la contagion, de la mère à l'enfant, je vous écoute. Je pense que l'idée que nous vivons d'abord par imitation des autres, parce qu'ils ont une mine sévère ou une mine agréable, parce qu'ils sont nos supérieurs hiérarchiques, parce qu'on a entendu quelqu'un de confiance. Si mon père à la veillée m'explique qu'il a vu un type couvert de poils, un loup-garou dans... Je vais le croire, c'est mon père, je lui fais confiance, etc. Mais nous marchons à ça, Géraldine. Les influenceurs, qu'est-ce que c'est un influenceur? C'est exactement ça. Tout ce que décrit Malebranche, c'est la manière dont nous tissons des liens avec autrui, ce qu'il appelle les liens sympathiques. C'est très très large, cette théorie. Et ça me semble, évidemment, dans le vocabulaire, dans les exemples, ça peut nous paraître un peu exotique, mais sur ce que ça décrit, enfin, on n'est jamais très autonome et très rationnel. On imite les autres, fondamentalement. Bon, moi, je suis convaincue, je crois qu'il faut lire Malebranche davantage. Vous m'avez convaincu. The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis! Way down below the ocean, where I wanna be, she may be, way down. Et vous écoutez une chanson vraiment sur l'imagination. Là où je veux être, elle peut être. Where I wanna be, she may be. C'est le chanteur britannique Donovan. Une chanson qui s'appelle Atlantis. Et il est accompagné du groupe de filles, du groupe allemand de filles qui s'appelle No Angels. À présent, je vous propose, Denis Cambouchner et Marie-Frédérique Palgrin, d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Voici le pourquoi du comment. Comment reconnaît-on quelqu'un ? L'expérience de reconnaître un visage de quelqu'un de connu, peut-être de quelqu'un de cher. L'expérience de dire, par exemple, devant une photographie, « Oui, c'est lui, c'est elle », cette expérience, Paul Ricoeur, dans son livre « Parcours de la reconnaissance », mais aussi dans plusieurs textes avant et après, déjà dans « La mémoire, l'histoire, l'oubli », Paul Ricoeur a été jusqu'à en faire un petit miracle, un miracle de la reconnaissance. Oui, parce que au fond, cette reconnaissance de quelqu'un de singulier, avec son visage, avec son sourire, eh bien, au fond, elle est toujours la reprise d'une relation très profonde, parfois, qui nous constitue, et elle est marquée aussi par une fragilité possible. Car ce quelqu'un, il peut aussi devenir méconnaissable, il peut s'être transformé jusqu'à ne plus être reconnaissable par moi, ou bien aussi, je peux perdre les facultés de le reconnaître, ne plus être reconnu par quelqu'un, par exemple, parce qu'il souffre d'une pathologie neurologique, d'une maladie dégénérescente, qui interdit la reconnaissance, qui montre aussi à quel point elle fait partie de notre vie, elle est ancrée dans notre corps et dans notre temporalité, et bien ne plus être reconnu par quelqu'un, c'est un drame et une souffrance telle qu'on peut dire en effet à l'inverse qu'être reconnu, se reconnaître les uns les autres, se retrouver, dire « Ah oui, c'est bien toi, je te reconnais bien là », reconnaître un tour de voix, reconnaître une manière de faire, c'est au fond en effet un petit miracle. Mais alors, si c'est un miracle, pourquoi ne pas en avoir fait aussi l'origine de la reconnaissance en général ? La reconnaissance est toujours située, y compris au fond, par Paul Ricoeur lui-même, dans son livre si profond et si méconnu, « Parcours de la reconnaissance est toujours située par rapport à la connaissance objective. On dit, par exemple, qu'on connaît, on identifie un objet, et que reconnaître, c'est aussi le travail rigoureux de Ricoeur, c'est réidentifier l'objet, et ensuite on passe à la reconnaissance de quelqu'un. À la reconnaissance de quelqu'un ou de quelqu'une. Et c'est pourquoi cela nous apparaît comme un petit miracle, au fond. Un petit miracle qui, en plus, dans sa singularité, serait au fond moins important que la reconnaissance générale des subjectivités, qui est au cœur de la philosophie politique, à bon droit. Depuis au moins le XVIIIe siècle, on dit qu'il faut se reconnaître mutuellement, qu'il y a une lutte pour la reconnaissance, et il faudra y revenir. Donc on place la reconnaissance d'un visage singulier après la connaissance des objets, après aussi la reconnaissance générale des subjectivités les unes par les autres, alors qu'il en va peut-être tout à fait inversement. Peut-être que ce miracle de la reconnaissance d'un visage singulier, d'une singularité personnelle, d'une singularité qui nous a permis de nous constituer comme tel, d'un sourire, d'une voix, d'un visage avec lequel une relation profonde mais aussi discontinue, parce que nous arrivons parfois à nous perdre de vue, comme on dit, à nous perdre d'oreille aussi, à ne plus nous entendre, eh bien, reconnaître un lien singulier, ça n'est peut-être pas une aventure mineure de la reconnaissance, mais au contraire, comme le disait Ricoeur, c'était plus fort que lui, un miracle qui nous en donne la clé. Ricoeur disait « Les proches sont ceux qui se réjouissent de notre existence ». Reconnaître, alors, si on l'appelle un miracle, c'est parce qu'il y a là une joie. Bien sûr, la reconnaissance est aussi une lutte, bien sûr, elle a aussi des enjeux politiques. Bien sûr, elle est au cœur de nos sociétés. Bien sûr, les guerres sont aussi des guerres fondées sur le désir d'être reconnu. Mais commencer par le miracle et par la joie, c'est la boussole de notre vie. Merci Frédéric Vance, merci Marie-Frédérique Pellegrin et Denis Cambouchner, nos invités d'aujourd'hui, dont les travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou bien sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Anthony Thomasson et merci à toute l'équipe d'Avec Philosophie, Marine Boudalier, Carla Michel, Chaïma Gibois et Antoine Ravon et tout particulièrement à Anna Fulpin pour cette émission. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.